إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nous vous avons expliqué la modalité de la descente du Coran sur le prophète صلى الله عليه وسلم, c'est-à-dire qu'il recevait c'est-à-dire qu'il recevait la révélation par l'intermédiaire de Jibril, qui se présentait parfois sous la forme d'un homme, ou sous sa forme angélique, ça c'est arrivé deux fois, ou sous sa forme angélique mais derrière un voile. Nous avons parlé des sept ahruf, des sept modes de formulation du Coran. Nous avons parlé de la façon dont le Coran a été descendu, hein, descente synthétique, de la table gardée à Beit al-Izza, la maison de la puissance, au ciel le plus bas, puis descente fragment par fragment, descente graduelle, munajjam, tout au long de la mission prophétique de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors, si nous respectons l'arbre des sciences que nous avons schématisé, nous avons mis descente fragment par fragment dans un rectangle, et de ce rectangle se ramifient deux branches. On distingue les sourates révélées en une seule fois et les sourates révélées en plusieurs parties. Bien sûr, nous avons déjà dit que le morceau révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam en une seule situation, en une seule circonstance, il peut être formé de 5 versets, 10 versets ou plusieurs versets ou même une partie d'un verset ou une sourate entière ou deux sourates au maximum. Ou deux sourates, ça au maximum. Alors, sourates révélées en plusieurs parties. Ça, c'est dans la majorité des cas. Sourates révélées en plusieurs parties, ça c'est dans la majorité des cas. La plupart des sourates ont été révélées partie par partie. Exemple, la sourate Iqra, les cinq premiers versets. Ont été révélés au prophète sallallahu alayhi wa sallam à la caverne de Hira, puis plus tard, les 14 qui restent ont été révélés au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sourate révélée en une seule fois, la Fatiha. La Fatiha a été révélée en une seule fois. Sourate l'Ikhlas, la consécration, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, dit il est un, il est Allah, il est un. Et Sourate al-Kawthar a été révélée aussi en une seule fois. Sourate al-Masad, Thabbat yada Abi Lahab wa Tab, Sourate al-Masad a été révélée en une seule fois. Et Al-Bayyina aussi, la Sourate Al-Bayyina a été révélée en une seule fois. Lam yakuni alladhina kafaru min ahli al-kitabi wal mushrikina munfakkina hatta ta'tiyahum al-Bayyina. Les non-croyants parmi les gens du livre et les associateurs n'entendaient pas renoncer à leur mécréance tant qu'ils n'avaient pas reçu la preuve évidente. Ça, le prophète sallam a reçu l'ordre de réciter cette sourate à Ubay ibn Ka'b. La sourate Nasr aussi, les deux dernières sourates, Mu'awwidatayn, قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس, c'est quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut victime d'un sort, d'un sortilège. Et ces deux sourates ont été révélées d'un seul coup. La sourate al-mursalat, wal-mursalat 'urfa, والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا. Les sourates les ont envoyées, ou celles qui ont été envoyées, la sourate 77 a été révélée en une seule fois. Ibn Hibban et Nasa'i al-Hakim dans le Mustadrak, il rapporte qu'Ibn Mas'ud a dit que nous étions avec l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dans une caverne, quand fut descendue sur lui la sourate al-Mursalat. Il a dit, je l'ai reçue de la bouche du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, alors que sa langue est encore humide par sa prononciation. Ça veut dire qu'il l'a reçu dès sa révélation, dès sa descente. Et ce hadith est qualifié d'authentique par le cheikh al-Albani. La surat Saf, surat le rang, Saf, surat 61, qui commence par Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwa al-azizul hakim. Cette surat a été révélée en une seule fois. La surat al-An'am aussi, surat les bestiaux, la surat 6, Tabarani et Abu Ubaid, d'après Ibn Abbas, la surat al-An'am fut révélée à la Mecque en une seule fois. Bon, sous ces deux branches, nous avons marqué surat révélée en une seule fois, surat révélée en partie. On peut, sous ces deux branches-là, on peut marquer deux sous-branches, à savoir les versets dont la révélation fut accompagnée de cortèges d'anges angéliques et les versets descendus seuls. C'est-à-dire ces deux branches se ramifient en deux. Versets dont la révélation fut accompagnée de cortèges d'anges, manazala mushayyan, et versets descendus seuls. Suyuti, il a mis ça dans le 14e chapitre de son livre Al-Itqan. Il a commencé son chapitre comme suit. Il a dit قال ابن حبيب وتبعه ابن النقيب من القرآن ما نزل مشيعا. Ibn Habib, c'est Ibn Habib al-Naysaburi. Il est mort en 406 de l'Hégire. C'est l'un des premiers qui ont écrit sur les sciences du Coran. Et Ibn al-Naqib, Ibn Naqib al-Maqdisi, de Beit al-Maqdis, de Palestine. Il est mort en 698 de l'Hégire. Juste pour l'information, il existe un livre qu'on a intitulé Kata'ib al-Fawa'id al-Mushawwiq ila ulum al-Qur'an wa ilm al-Bayan. Ce livre-là a été attribué par erreur à Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, alors qu'en réalité, il est celui d'Ibn al-Naqib. Il a été édité comme étant un livre d'Ibn al-Qayyim. Et c'est le grand cheikh al-Muhaddith Muhammad Mahmoud Shakir qui a signalé cette erreur. Ça, c'est juste pour l'information. Ibn al-Habib et Ibn al-Naqib ont dit que dans le Coran, il y a des parties dont la révélation, dont la descente fut accompagnée d'un cortège d'anges. Parmi lesquels ils ont dit qu'il y a la sourate Al-An'am, il fut accompagné d'un cortège de 70 000 anges. Ils ont cité aussi la Fatiha, 80 000 anges. Le verset Al-Kursi, Ayat Al-Kursi, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum, 30 000 anges. Sourate Yassine aussi. Mais attention, les hadiths qui sont rapportés à ce sujet sont tous faibles, voire très faibles. Ça, c'est pour vous avertir. Alors, bon. Donc, nous avons parlé de quoi? Nous avons parlé de la façon dont le Coran a été descendu. Bon, ça, c'est descendre en une seule fois de la table gardée au ciel plus bas. Ça, c'est la façon. L'autre branche est descendre fragment par fragment. Et nous avons divisé cette branche-là en deux autres branches de second niveau, c'est surat révélée en une seule fois et surat révélée en plusieurs parties. Bon, maintenant nous allons passer à une autre branche parmi les cinq branches qui sera ramifiée à partir des sciences relatives à la descente du Coran. Nous sommes toujours dans le Tanzil, Mihwar Tanzil, l'axe du Tanzil. Les sciences relatives à la descente du Coran, il se ramifie en modalité de sa descente. Là, je vois l'arbre qu'on a dessiné. Modalité. La façon dont le Coran a été descendu. La façon dont le Coran a été descendu. Il nous reste alors les circonstances de la descente du Coran, les causes de sa descente et l'ordre de la descente des versets. C'est ce qui nous reste. Nous allons commencer par les circonstances de la descente du Coran. Où descendait le Coran? Quand je parle de circonstances, bon, circonstances de temps ou d'espace. Alors, où descendait le Coran? Le professeur sallam est né à La Mecque. Il a fait le hijra à Médine. Il a émigré vers Médine. Il a quitté La Mecque et Médine lors de ses voyages. Donc, l'endroit le plus loin où le professeur sallam est arrivé est la frontière avec la Syrie. Ça, c'est après qu'il ait reçu la mission, la fonction prophétique, c'est-à-dire qu'il fut chargé de la prophétie. Avant qu'il ne reçoive, avant qu'il ne soit prophète, il a fait deux voyages quand il était jeune, au Chem, en Syrie. Donc, deux voyages en Syrie. Et en compagnie de Meysara, ça c'est quand il faisait le commerce. Ça c'est avant. Mais nous parlons après la mission prophétique. Donc, il est arrivé l'endroit le plus loin, j'ai dit que la frontière avec la Syrie, sauf si nous ajoutons son voyage, la nuit de l'Ascension, le Mi'raj. Ce voyage était un miracle. Mais nous, les gens de la Sunna, nous le considérons comme un voyage réel. Donc, nous ajoutons ce voyage. Certains savants, c'est-à-dire le voyage du prophète sallam de la Mecque à Beit al-Maqdis, hein, le Masjid al-Aqsa, Beit al-Maqdis, la Palestine, et puis de Masjid al-Aqsa jusqu'au ciel, jusqu'à Sidrat al-Muntaha, le lotus de la limite, au-dessus du septième ciel. Certains savants disent que lorsque le prophète sallam est arrivé à Beit al-Maqdis, ce qu'on appelle aujourd'hui Jérusalem, la mosquée, quand il est arrivé à la mosquée Al-Aqsa, il a reçu comme révélation Was'al man arsalna min qablika min rusulina. Demande aux messagers que nous avons envoyés avant toi. Demande aux messagers que nous avons envoyés avant toi. Ça, c'est dans Sourate Zukhruf, Sourate 43. À Beit al-Maqdis, Allah subhanahu wa ta'ala a ramené tous les prophètes et l'envoyé d'Allah les a dirigés en prière. Was'al man arsalna min qablika min rusulina. A été révélé, ont dit certains savants, Was'al man arsalna min qablika min rusulina aja'alna min duni ar-Rahmani alihatan yu'badun. Demande à ceux, aux messagers que nous avons envoyés avant toi, est-ce que nous avons donné en dehors du tout miséricordieux d'autres divinités qui soient pour être adorées? C'est-à-dire que la da'wah de tous les prophètes, c'est le tawhid, c'est le monothéisme pur. J'ai dit à Beit al-Maqdis, Allah a ramené tous les prophètes et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam les a dirigés en prière. Il était l'imam. Et les savants qui sont spécialistes dans les circonstances, ulama al-mawaqi', ils considèrent ce verset comme verset maqdisi, aya maqdisiya, c'est-à-dire relativement à la mosquée Al-Aqsa. Donc certains savants aussi considèrent que les deux derniers versets de la sourate Al-Baqarah ont été reçus par le prophète sallallahu alayhi wa sallam par une révélation directe venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته. L'envoyé a foi en ce qui a été descendu vers lui de la part de son Seigneur, ainsi que les croyants, tous ont foi en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses envoyés. Khawatim Surat al-Baqarah. Les deux derniers versets de la Surat al-Baqarah, certains savants disent que le prophète sallam les a reçus directement. Mais ça, c'est discutable. Parce qu'il n'est pas mentionné dans le hadith qui parle de cette circonstance que le prophète sallam, que ces versets ont été révélés au prophète sallam, mais qu'il les a reçus. C'est-à-dire, le hadith en question, il se trouve dans le Sahih Muslim, il dit, wa u'atiya khawatim al-Baqara. Il reçut les derniers versets de la sourate al-Baqara. Il reçut les derniers versets de la sourate Al-Baqarah. Cette réception, c'est, wallahu a'lam, c'est l'exaucement des invocations citées dans ces versets. C'est l'exaucement, c'est ce qu'il a reçu. Il a reçu cette bonne nouvelle, à savoir qu'Allah a exaucé les invocations qui se trouvent dans la fin de la sourate Al-Baqarah, à savoir Rabbana la tu'akhidna in nasina ou akhtana. Seigneur, ne nous reprends pas si nous oublions ou faisions erreur. Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Seigneur, ne nous charge pas d'impact comme tu as chargé ceux qui ont vécu avant nous. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Seigneur, ne nous impose pas ce que nous n'avons pas la capacité de faire. Waghfir lana warhamna. Fais-nous grâce, pardonne-nous. Waghfir lana warhamna. Anta maulana. فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. C'est toi notre protecteur, soutiens-nous contre les gens impies. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit, je l'ai fait. Donc ce qu'il a reçu le prophète sallallahu alayhi wa sallam à cet endroit, c'est l'exaucement de ses invocations, ce don. Et nous avons déjà décrit bien sûr la façon dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam recevait la révélation, c'est par l'intermédiaire de l'ange Jibril. Classification des circonstances de la révélation. Commençons d'abord par la distinction entre les révélations mécoises et les révélations médinoises. Ma'rifatul Makki ou al-Madani. Ça, c'est le premier chapitre du livre Al-Itqan, par lequel a commencé l'imam Suyuti. Il a dit sous ce chapitre, أفرده بالتصنيف جماعة منهم مكي والعز الديريني. Un certain nombre de savants ont composé les livres spécialement sur la classification des révélations en mécoise et médinoise, et il a cité ces deux noms, Makki, à savoir Makki ibn Abi Talib, Al-Qaysi al-Andalusi. Il est mort à Cordoue en 437 de l'Hégire, c'est-à-dire vers 1045 de l'ère chrétienne, et il a cité l'autre nom, Al-Izz Ad-Dirini, savant chafiite égyptien, qui est mort en 496 de l'Hégire, environ 1294 de l'ère chrétienne. En fait, les chercheurs n'ont pas trouvé de livre exclusivement consacré aux Mécois et aux Médinois de ces deux éminents savants. Ce qu'ils ont trouvé, c'est de longues recherches dans leurs livres. Mekki, il a développé ce sujet-là dans son livre An-Nasikh ou Al-Mansukh, l'abrogeant et l'abrogé. Et ils ont trouvé ce sujet aussi en détail dans le livre de l'Izz Dirini, At-Taysir fi Ulum At-Tafsir. C'est en fait un long poème, Nadm, un long poème d'environ 3000 vers. 3000 vers. Et aussi, ils ont trouvé ça dans son autre livre, Al-Misbah Al-Munir. At-Taysir fi Ulum At-Tafsir, c'est les significations du mot du Coran sous forme d'un poème. C'est comme une sorte de lexique. Bon, ça c'est juste pour l'information. Alors, sur quels critères se base-t-on pour distinguer les révélations mécoises des révélations médinoises? As-Suyuti a dit qu'on distingue trois critères, ou trois nomenclatures, trois mustalahats, c'est-à-dire que chacun des savants a un critère ou un mustalah, ce qu'on appelle un mustalah, convention, nomenclature, pour distinguer le Mécois du Médinois. Pour distinguer le Mécois du Médinois. Donc, trois. Le premier critère, suivez bien. Le premier critère, les révélations mécoises sont celles qui ont été descendues avant l'Hégire, avant l'immigration. Et les révélations médinoises sont celles qui ont été descendues après l'Hégire, après l'Hégira. Ça, c'est la nomenclature la plus adoptée. C'est celle que vous trouvez dans le Coran quand vous lisez Riwayat Hafs an Asim. Les livres, les traductions imprimées en France, vous allez trouver ça. Mais les traducteurs traduisent par post-Hégirien et pré-Hégirien. Alors qu'à la base, c'est marqué Coran Makki et Madani. On dit Makki et Madani. Coran Mekwa et Coran Médinois. Révélation mais quoi, c'est révélation médinoise. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que même les révélations qui ont été descendues à la Mecque après l'émigration du prophète Sallam sont appelées médinoises. Et aussi celles qui ont été révélées sur le prophète Sallam lors de ses voyages loin de Médine. C'est-à-dire que même quand il reçoit la révélation loin, c'est-à-dire à la frontière de la Syrie, après l'Hijra, on appelle cette révélation révélation médinoise. Donc, ce qui a été descendu sur le prophète sallam à la Mecque lors du pèlerinage d'adieu est appelé révélation médinoise. C'est-à-dire qu'il est après l'Hijra. Même le pèlerinage, on le fait où? On le fait à la Mecque, le prophète sallam. Après l'émigration, il a conquis la Mecque et 2 ans à peu près, 2 ans plus tard, il a fait le Hajj, le pèlerinage à la Mecque. Il a reçu des révélations à cet endroit-là, à Arafat, à Mina et dans d'autres endroits de la Mecque. On appelle ces révélations-là des révélations médinoises et non pas mécoises, même s'il les a reçues dans la cité sacrée, s'il les a reçus à la Mecque, on les appelle révélations médinoises parce qu'ils ont été révélés après l'Hijra. La sourate al-Fath. Sourate al-Fath. Inna fatahna laka fathan mubina. Nous t'avons accordé une ouverture éminente. Hein? Sourate al-Fath, sourate 48. Sourate 48 dans l'ordre du tartil, c'est-à-dire comme vous le trouvez dans le Coran que vous lisez aujourd'hui. Sourate al-Fath a été révélée, qui a été révélée au prophète sallam juste après qu'il ait quitté l'Hudaybiyah. Et l'Hudaybiyah, il est situé à la frontière du territoire sacré de la Mecque. Cette sourate-là est une sourate médinoise parce qu'il a été révélé après l'Hijra. Après l'Hijra, lors du pacte du Hudaybiyah. Le pacte du Hudaybiyah, c'est vers l'année 6 de l'Hijra, c'est-à-dire 6 ans après l'Hijra. Il a fait le pacte, il a conclu le pacte avec les Quraysh quand ils l'ont empêché d'entrer dans la cité, à la Mecque pour faire la Umrah. Et là, il a conclu un pacte et il est revenu. Au moment où il revenait, il a reçu Sourate al-Fath. Cette sourate est médinoise. Cette sourate est médinoise. Suyuti a ajouté autre chose. Se basant sur un asar de Yahya ibn Salam, sur une tradition de Yahya ibn Salam, il dit que ce qui a été révélé au prophète alors qu'il était en route vers Médine lors de son émigration est une révélation mécoise. C'est-à-dire en route avant qu'il n'arrive à Médine, c'est une révélation mécoise. Ça, c'est un premier istilah, c'est un premier, ou si vous voulez, critère. Le deuxième istilah, la révélation mécoise ou les révélations mécoises sont celles qui ont été descendues à la Mecque. Peu importe si c'est avant ou après l'Hégire. Et les révélations médinoises sont celles qui ont été révélées à Médine, peu importe si c'est avant ou après l'émigration. Ceux qui adoptent cette nomenclature acceptent l'étape intermédiaire. Ils disent révélation mécoise, révélation médinoise, et révélation ni mécoise ni médinoise. Et ils attribuent certaines révélations aux endroits où ils ont été descendus. Ils disent Coran Juhfi, révélation Juhfi, c'est-à-dire révélé à Al-Juhfa, un endroit. Ou Jaishi, dans un endroit Zatul Jaish, entre la Mecque et Médine, etc. Ça, c'est le deuxième critère. Le troisième, c'est que il se base sur le discours. Le critère, c'est le discours, le khitab. La révélation mécoise ou les révélations mécoises sont celles dont le discours est adressé aux habitants de la Mecque. Et les révélations médinoises sont celles qui sont adressées aux habitants de Médine. D'accord? Mais la nomenclature ou le istilah le plus adopté, c'est que les révélations mécoises sont celles qui ont été descendues avant l'Hijra, l'immigration. Et les révélations médinoises sont celles qui ont été descendues après l'Égir. D'accord? Sur quoi se fonde-t-on pour distinguer les révélations mécoises des révélations médinoises? sur les propos des compagnons et des tabi'in. C'est sur le athar, sur les preuves scripturaires, sur la transmission, c'est-à-dire les textes qui remontent authentiquement aux compagnons et à leurs pieux successeurs, c'est-à-dire leurs disciples, les disciples des compagnons. Aucun hadith, il n'y a pas de hadith prophétique, ne prouve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que telle sourate est mécoise et telle sourate est médinoise. Ça, c'est le travail, c'est un travail laissé aux compagnons. Les compagnons entouraient le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le Coran constituait le tout pour eux. Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, jurait, comme c'est rapporté dans Sahih al-Bukhari. Il a dit par Allah, en dehors de qui il n'y a d'autre Dieu, il n'y a pas de sourate dans le livre d'Allah sans que je sache où il a été révélé, et il n'y a pas de verset du livre d'Allah sans que je sache à quel sujet il fut révélé. Wallah, ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا أنا أعلم أين أنزلت ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا أنا أعلم فيما أنزلت ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه. Il a dit, si je connaissais quelqu'un de plus savant que moi à propos du livre d'Allah qu'on puisse atteindre à d'autres chameaux, j'irai jusqu'à lui. Les circonstances et les causes, ce sont les compagnons qui s'en occupaient. Ils les avaient enregistrés et ils les avaient transmis aux tabi'in, à leurs pieux successeurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il fait? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il évaluait les choses à leur juste valeur. Il dosait. Il ne s'est pas beaucoup intéressé à ce genre de classification. Il l'a laissé à la discrétion des compagnons. Les circonstances et l'ordre chronologique, je veux dire, l'ordre chronologique de la descente, intéressent surtout les spécialistes, les grands savants. C'est pour distinguer l'abrogeant et l'abrogé, ou ceux qui étudient la question de la spécification de certains versets ou énoncés juridiques. Tarsis. C'est aussi. À quoi ça sert, pourquoi la révélation a été, le Coran a été descendu chronologiquement, verset par verset, fragment par fragment, c'est aussi, ça a un but d'éducation, comme on l'a dit dans les séances précédentes. C'est-à-dire la gradation dans l'éducation. La thèse qui a la purification et l'éducation, comme on l'a vu, comme je vous l'ai déjà expliqué. Donc, ça c'est en second degré, mais le professeur Sam s'est intéressé à autre chose lors de la réception de la révélation, à une autre forme d'explicitation, à savoir l'agencement des morceaux de la révélation qu'il recevait. C'est cela dont il était chargé dès le départ, sallallahu alayhi wa sallam, depuis qu'il a reçu l'ordre, depuis qu'il a reçu Iqra' bismi rabbiki. C'est le tartil. Le professeur Sam s'occupait de l'agencement des versets. Il disait aux compagnons, mettez ce verset ici, mettez ce verset là. Mettez cette sourate ici, mettez ce verset dans cette sourate, etc. C'est ça à quoi s'intéressait le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Le tartil, l'agencement. Hein? Vous savez, quand on entend le tartil, ça nous renvoie directement à la façon d'articuler, de prononcer les lettres, les voyelles, hein, l'idrame, l'élision, la prolongation des voyelles longues, etc. Le runna, le tanwin, etc. Mais ça, c'est un agencement vocal, tartil, sauti. Ce dont je parle maintenant, c'est l'agencement textuel, c'est-à-dire l'agencement textuel, sa composition, selon l'ordre qui existe dans la table gardée. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a engagé des scribes et leur disait, mettez ce verset. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a engagé des scribes. Il dit, mettez ce verset là, mettez ce verset ici. Ça, c'est en soi un miracle. Il dit, Ajib, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne sait pas lire et ne sait pas écrire. Et pourtant, il dit, mettez ça. Il reçoit une révélation aujourd'hui, une partie de la sourate aujourd'hui, et des années plus tard, il reçoit la suite. Et il disait à Zayd ibn Thabit et à Mu'ad ibn Jabal et aux autres scribes, au Bay ibn Ka'b, venez, prenez l'encrier, prenez la plume, marquez ce verset-là que je viens de recevoir dans la sourate que j'ai reçue il y a 4 ans, 5 ans auparavant. Le professeur n'avait pas d'ordinateur chez lui, il n'avait pas de stylo, il n'avait pas de papier, il n'avait pas... Et subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala a mis le Coran dans son cœur. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le guide et qui lui inspire de mettre ce verset-là et ce verset. Ici, comme j'ai dit, le tartil, l'agencement des versets, l'ordre des versets et des sourates repose sur un enseignement divin. Le Baqara, par exemple, le Baqara, entre le début de la Baqara et la fin de la Baqara, entre ce début et la fin, il y a environ 8 ans. C'est-à-dire, la révélation de l'Al-Baqara s'est effectuée durant 8 ans. 8 ans de disposition des versets. Et entre-temps, d'autres sourates ont été révélées. Le professeur a reçu l'Al-Baqara vers la deuxième année de l'Hégire. Et le dernier verset du Coran, le dernier verset du Coran, ça on va l'étudier. Le dernier verset c'est وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ, redoutez le jour où vous serez ramené à Allah. Entre ce début et la fin, il y a à peu près 8 ans. Donc 8 ans de disposition, et comme j'ai dit, entre temps d'autres sourates, d'autres versets ont été révélés dans d'autres sourates. Et chaque fois il dit, Aziz ibn Thabit, mets ce verset dans cette autre sourate, mets ce verset dans cette autre sourate. Yani le tartil. Et ça c'est un miracle en soi, comme j'ai dit. Et subhanallah, ça, à la fin, ça nous a donné, yani, le Coran dans toute sa beauté, sa clarté et sa richesse. Vous lisez une sourate médinoise et à côté d'elle une sourate mécoise et entre les deux, il y a des liens de correspondance extraordinaires. Et ça, nous allons le voir, inshallah, bi-idnillah. Une sourate mécoise et on trouve à l'intérieur de cette sourate mécoise des versets médinois. Et tu ne constates aucune rupture de style ou de discordance. Le tartil. Le Coran, pas ceux qui disent, bon, on a besoin d'ordre chronologique, le Coran n'est pas un livre d'histoire. Et c'est pourquoi il n'y a pas beaucoup de noms propres dans le Coran. Quand il cite un nom, c'est pour une raison bien valable. Vous trouvez souvent dans le Coran, il désigne quelqu'un à la troisième personne du singulier ou à la troisième personne du pluriel, hein, pour le pluriel. Comme par exemple, وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَدَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثَ تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ. Dans Sourate An-Nahl, ne faites pas comme celle qui défaisait la laine après l'avoir soigneusement filée. Celle, une femme qui habitait l'Arabie qu'est-ce qu'elle fait? Bon, elle a des filles, des servantes qui filent la laine et à la fin de la journée, il dit, c'est comme une folle, il leur dit de défaire ce qu'ils ont fait. Celle, le Coran ne parle pas du nom de cette, ne cite pas le nom de cette femme, parce que ce n'est pas ce qui nous intéresse, ce n'est pas qui intéresse les musulmans. Ce qui leur intéresse, c'est la leçon tirée de ce qui a été dit, de ce qu'a fait cette personne-là, en bien ou en mal, hein. وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَدَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا. Ne faites pas comme celle qui défaisait la laine après l'avoir soigneusement filée. C'est-à-dire, ne faites pas de bonnes œuvres et après vous démolissez, vous détruisez tous vos œuvres-là avec vos péchés. Et وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. Récite-leur l'affaire de celui auquel nous avions donné nos signes et qui s'en est dépouillé. Le démon le poursuivit et il fut ainsi parmi ceux qui sont égarés. Ne faites pas, récite-leur l'affaire de celui auquel nous avions, celui Il n'a pas cité le nom. Parce que ce qui nous intéresse, ce qu'a fait cette personne-là. Ce qui nous intéresse, Allah veut de nous que nous tirions les leçons de cette histoire-là. Les circonstances et les personnes, ça vient en second degré. Ça, c'est le travail des compagnons. Ça, c'est pour méditer comment le professeur pesait les choses et Allah subhanahu wa ta'ala comment. La chose la plus importante d'abord, après la moins importante. Les circonstances, notre religion ne l'a pas négligée, mais ça reste en second degré par rapport au tortil, au Coran qui est agencé comme nous le récitons aujourd'hui. C'est ça le premier but. C'est pour que nous lisons comme il a été disposé, comme il a été dans la table gardée. Comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a révélé la première fois. Et les circonstances, ça nous aide. Nous allons parler de l'utilité des circonstances. Et ça a été, subhanallah, même les circonstances ont été conservées, ont été enregistrées par les compagnons. Rien n'a été négligé. Mais et tout ça, ça reste, c'est une avéra, c'est une réalisation de la parole d'Allah. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. C'est nous qui avons fait descendre le dhikr et c'est nous qui en assurons la garde. Le dhikr ne veut pas dire seulement le Coran, mais le dhikr veut dire aussi le Coran et la sunna. Et qui dit sunna dit circonstances de la révélation, dit sirah, vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'autres choses, les situations du prophète sallallahu alayhi wa sallam, son état, ce qu'il a fait, ses voyages, etc., tout ça, ça fait, et les propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ça fait partie de la sunna. Ce sont les orientalistes qui sont beaucoup intéressé à l'ordre chronologique des sourates et des versets, comme Noldeke dans l'histoire du Coran. Blacher aussi, il a même fait une traduction selon l'ordre chronologique. Après, il a changé, il a fait la traduction du Coran selon le Tartil. Leur but, c'est de reconstituer la personnalité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Étant des non-musulmans, ils sont partis du principe que le Coran est l'œuvre de Mohammed, donc œuvre humaine. Et un homme reste un homme. Un homme, ça reste un homme. Tout ce qui est en lui évolue. Il peut penser une chose et des années plus tard, il se rend compte qu'il s'est trompé. Il peut se contredire. Son style, la façon de parler change. Si c'est un écrivain, bon, son style va changer. Il va s'améliorer. Ou au contraire, il va se dégrader. Ses connaissances changent. Il mûrit avec le temps et il subit des influences du milieu. Mais subhanallah, le Coran, depuis la première révélation jusqu'à la dernière révélation, le style est au sommet de la perfection. Sa richesse en enseignement restait la même. Yani, eux, ils veulent remonter les sources jusqu'au début. Puis dit voilà, le Coran, l'ordre chronologique, La première révélation, puis qu'est-ce qui s'est passé avant, même la révélation et tout. Pour ils essaient de découvrir l'origine. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui lui a enseigné ça? Le milieu où il vivait, est-ce qu'il y a des gens, des théoriciens, les juifs et les chrétiens qui lui ont appris des choses, des enseignements qu'il a mis dans le Coran, etc. Les choubouhat des orientalistes. Et subhanallah, la première révélation, ça donne une grande claque au négateur. اقرأ بسم ربك الذي خلق. La première révélation. Lis au nom de ton Seigneur qui créa, qui a créé. Récite au nom de ton Seigneur qui a créé. اقرأ بسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. Il a créé l'homme à partir d'une adhérence. اقرأ وربك الأكرم. Lis et ton Seigneur est le plus généreux. الذي علم بالقلم. Qui a enseigné par le قلم, le stylo. La plume, allama al-insana ma lam ya'lam, qui a enseigné à l'homme ce qu'il ignorait. Yani, subhanallah, un fait troublant qui doit vraiment susciter la réflexion de n'importe quelle personne qui réfléchit. Dès le départ, le prophète sallam ne sait pas lire, ne sait pas écrire. Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wa la takhutuhu bi yaminika idhal lartaba al-mubtilun. Avant ce Coran, tu ne récitais le texte d'aucune écriture. Ni n'en écrivait aucun de ta main, sans quoi les négateurs auraient quelque chose pour faire douter de l'authenticité du Coran. Et d'Al-Dartab al-Mubtilun aurait du doute. Tu ne récitais aucun livre. Le prophète ne récitait aucun livre. Comme Allah a dit subhanahu wa ta'ala dans Surat Al-Ankabut, Allah lui a ordonné de réciter. Et il a récité le Coran toute sa vie. De lire le Coran. Et il l'a récité toute sa vie. Il a lu le Coran. Iqra, qara. C'est pas parce que qara, c'est pas seulement à partir d'un support, à partir d'un livre. Ça peut aussi être une lecture de ce qu'il y a dans la poitrine. Il l'a reçu, Allah l'a mis dans son cœur et lui le récitait. Donc lecture visuelle, spirituelle. Allah lui, subhanahu wa ta'ala, lui a ordonné de lire Iqra et toute sa vie il l'a lu. Il a récité le Coran. Allah lui a parlé du qalam, de la plume. Pour ça, ça ne savait pas, n'a jamais utilisé le qalam. Et Allah lui parlait du qalam, lui a parlé Iqra wa rabbuka al-akram alladhi 'allama bil qalam, qui a enseigné à l'aide du qalam. Il lui a parlé de l'outil de l'écriture. Le prophète a engagé des scribes qui écrivaient la révélation durant toute sa mission prophétique. Et Allah subhanahu lui a révélé qui allama al-insana ma lam ya'lam, qu'il a enseigné à l'homme ce qu'il ignorait. Et lui a enseigné le livre. Et le prophète sallam n'a cessé de l'enseigner, jusqu'à sa mort. Le prophète sallam lui-même ne s'attendait pas à ce souffle divin. Quand il reçut la révélation pour la première fois, à la caverne de Hira, l'histoire est connue, il retourna en hâte chez lui, le cœur tout palpitant. Et il raconta ce qui lui était arrivé à son épouse Khadija. Réaction normale d'un homme normal. Il n'a rien forgé de sa tête, ni rien. Lui-même ne s'attendait pas à ça. Subhanallah. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui ne sait pas lire, a reçu l'ordre Iqra, lis. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Khalaq al-insana min alaq. Comme ils sont beaux, ces versets. Le style de ces versets, c'est extraordinaire. Déjà, le sommet de la perfection dès le départ, le sommet dans la fasaha, dans l'éloquence. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'une adhérence. Alaq, il était comme un caillou. Le alaq, c'est comme un caillou de sang, du sang coagulé. C'est comme ça que au début, l'embryon, on dirait des morceaux de sang, un caillou de sang qui est collé à quelque chose. Alaqa veut dire collé. L'embryon, il est collé, hein? Il est collé à l'utérus de sa mère. Khalaq al-insana min alaq. Comme l'embryon se développe pour être un homme, un fœtus, plus tard un enfant, un nouveau-né, un enfant, etc., puis un homme, belle stature, ben aussi toi, tu vas passer par des étapes. Quand Allah subhanahu wa ta'ala, tu dis, lis, tu vas évoluer dans la science. L'embryon, le alaq, est collé à l'utérus de sa mère, il se développe. Toi, tu vas être collé à la science d'Allah et tu vas te développer graduellement. Tarbiya. Iqra bismi rabbik, dit au nom de ton Rab, et Rab vient de Tarbiya, il va t'éduquer, comme il va t'élever, comme il élève, comme il assure au alaq, à l'embryon, tout ce qu'il faut pour qu'il se développe et devienne un être humain. Il va assurer ton développement culturel, et cultuel, et spirituel. Qui a enseigné l'homme à l'aide du qalam. Iqra. Iqra. Lis. Et il y eut quelques années plus tard une révolution dans le domaine de la lecture et de la récitation. Il lui a dit Iqra. Et des années plus tard, qira'at, lecture du Coran, avec un ton et une mélodie qui n'est ni de la poésie ni de la prose. Un mode nouveau de l'arrestation, le tartil et le tajwid, le tahqiq, et le daur et le hadr, tout ce, on va parler, inshallah, de ça, bi'idnillah. Et Allah lui a révélé, a enseigné à l'homme, a enseigné l'homme, allam al-insana bil qalam, a enseigné l'homme à l'aide du qalam, et il y eut une révolution dans le domaine de l'écriture au sein de la communauté arabe et musulmane. Révolution dans la graphie, révolution dans le système diacritique avec Abu al-Aswad al-Du'ali, Nasr ibn Asim al-Laythi, Yahya ibn Ya'mar, Khalil al-Farahidi, Sibawayh, le grand Sibawayh. Une révolution dans ce domaine. Allama al-insana ma lam ya'lam. Il a appris à l'homme ce qu'il ne connaissait pas. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam reçut ce verset-là, et depuis la révélation de ce verset, la communauté musulmane n'a cessé de sortir des ténèbres de l'ignorance à la lumière de la science et de la connaissance. Pas seulement dans les sciences religieuses, mais dans tous les domaines, la médecine, l'astronomie, la révolution scientifique. Yani ajib. D'après l'expérience humaine, un génie ne vient pas d'un seul coup, on ne devient pas un grand écrivain d'un seul coup, un moraliste ou un philosophe d'un seul coup, un grand médecin ou un inventeur, il faut des années de travail, de souffrance. Par exemple, Thomas Edison n'a pas inventé la lumière électrique du jour au lendemain. Et il a illuminé le monde, hein, du jour au lendemain, il a fait des essais. Mais là, le professeur Salim, il a illuminé le monde d'un seul coup. D'un seul coup, parce que le Coran n'est pas le résultat d'une expérience passée, mais une œuvre divine. Et ça, les orientalistes le contestent. Et Gustave Le Bon, dans le livre, La civilisation des Arabes. Il vante la civilisation des Arabes, ça vraiment, il a dit, il est très avancé. Ça le trouble, ça l'éblouit. Mais quand il parle de Mohammed, il dit, nous ne disposons pas de documents archéologiques, nous disposons qu'il y ait... Mais c'est sûrement, il y avait une civilisation avant l'islam, avant la venue de Mahomet, comme il dit. Il dit non, mais c'est venu progressivement, même si on ne se rend compte pas de la civilisation arabe. Et il a critiqué les orientalistes qui disent que les Arabes en l'islam étaient des barbares et tout. Mais oui, il y a eu cette truc, subhanallah, ce sursaut, ce rêve. Mais c'est vrai qu'on ne peut, quelqu'un de logique, quelqu'un qui raisonne, il va dire non, c'est impossible. La civilisation musulmane ne peut pas sortir comme ça d'un seul coup. Il y a eu des expériences, il y a eu une préparation auparavant. Mais non, là, c'est un souffle divin qui est venu et qui a éveillé et qui a fait qu'il y ait cette révolution islamique. On a vraiment besoin d'une révolution islamique. Voilà, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a illuminé le monde d'un seul coup, avec la révélation divine. Et toutes les accusations dont on l'accuse sont vaines. Et tout ce que disent les orientalistes, ils ne sortent pas de ce que disent les Quraysh, les mécréants Quraishites au départ. Ils répètent la même chose. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا dans Sourate Al-Furqan. Subhanallah, le Coran lui-même se défend. Les négateurs ont dit, ce n'est là qu'une imposture qu'ils forgent en se faisant aider par un autre groupe, وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَاهُ. Les négateurs ont dit, ce n'est là qu'une imposture qu'ils forgent. وَأَعَانَهُ عليه قوم آخرون en se faisant aider par un groupe d'autres gens. فقد جاءوا ظلما وزورا. Ils commettent ainsi une grave injustice, une calomnie flagrante. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. Ils ont encore dit, fable d'anciens recueillie par lui et qu'on lui dicte matin et soir. C'est la même chose que disent les orientalistes aujourd'hui. Ce qu'ont dit les mécréants de Quraysh. Et le Coran réplique et réfute leurs allégations. Ils ont encore dit fables d'anciens, ou mythologie, ou mythes, recueillis par lui qu'on lui dicte matin et soir. أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. Réponds-leur. Celui qui l'a fait descendre et celui qui connaît le secret des cieux et de la terre, il est pardonnant, miséricordieux. Donc le professeur Salam s'est occupé parce qu'il sert à guider la communauté, l'agencement des révélations, le tartil. La descente selon l'ordre chronologique, ça a un but éducatif. La gradation dans l'enseignement et l'initiation, et aussi ça aide les savants dans les ahkams, dans les prescriptions, pour dire que tel hukm énoncé juridique a abrogé tel autre, et tel texte a restreint la portée générale de tel autre, etc. Comment distinguer la révélation mécoise de la révélation médinoise, comme j'ai dit, les propos des compagnons et des tabi'in. Suyuti, il a cité certains athar, certaines traditions qui remontent à Ibn Abbas, à Ikrima. Ibn Abbas, c'est le fils de l'oncle du professeur Salam, c'est un compagnon. Ikrima, c'est un tabi'i. Abu Talha, c'est un tabi'i. Qatada, ça c'est des géants dans l'exégèse, c'est des disciples de compagnons. Il a cité certains textes de ses éminents pieux prédécesseurs où ils énumèrent les sourates mécoises et les sourates médinoises. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a moins de sourates médinoises que de sourates mécoises. Je parle du nombre, pas de la longueur. Il y a moins. Les savants, ils ont divergé sur le nombre de ces sourates, les sourates médinoises, et aussi les sourates mécoises. Le nombre minimum des sourates médinoises, c'est de 20. Il a été compté par Ibn al-Hassar dans son livre Nasikh wal-Mansukh, l'abrogeant et l'abrogé. Et il a cité ces sourates-là sous forme de poèmes que Suyuti a mentionné dans ce livre, l'Itqan. Ça, c'est le minimum, 20 sourates. Le maximum, 29. Et ce recensement est rapporté selon une chaîne qui remonte à Al-Hassan al-Basri, 29. Et entre les deux, d'autres nombres ont été recensés. L'imam al-Ja'bari, Burhanuddin al-Ja'bari, qui est mort en 732 de l'Hégire, vers 1332, c'est un imam muhaqqiq, c'est un savant, c'est vraiment un grand vérificateur. Il a recensé 28 sourates médinoises. Et il s'est fondé sur deux riwayats, sur deux textes, sont les plus authentiques. L'un des textes remonte à Jabir ibn Zayd. Et Jabir ibn Zayd, c'est un éminent tabi'i, c'est-à-dire pieux successeur des compagnons. Et Suyuti a cité cette rouaya, il a cité ce texte-là, dans le 7e chapitre de son livre, l'Itqana. Nous sommes dans le premier. Dans le premier chapitre. Bien sûr, je n'ai pas respecté l'ordre des chapitres. Nous allons citer le passage où il énumère les sourates médinoises. Enfin, il a énuméré les sourates mécoises qui sont au nombre. Il est arrivé au nombre 86 sourates médinoises. Ça, je parle toujours du texte de Jabir ibn Zayd, rahimahullah, 86. Et il a cité 20 parmi les 28 qui restent, 20 sourates médinoises. Il a dit, voilà, « Wa unzila bil madinati », il a été révélé à Médine, Sourate al-Baqara, la Sourate al-Baqara, la vache. Puis Sourate al-Imran. Puis l'Anfal, le butin, la Sourate qui est classée 8 dans l'ordre du Tartil. Puis l'Ahzab, l'équalisée, la Sourate 33 dans l'ordre du Tartil. Puis l'Ma'ida, la Sourate 5 dans l'ordre du Tartil. Puis l'Mumtahana, la réprouvée. L'éprouvée. Mumtahana veut dire la femme qui a été éprouvée, que ça le professeur l'a reçu quand il a mis à l'épreuve certaines femmes qui ont émigré, qui ont fui la Mecque vers Médine pour voir s'ils sont musulmans ou non. Surat 60. Summa idha ja'a nasrullah. Surat an-Nasr idha ja'a nasrullah wal fath. Puis sourate Nour, la lumière, sourate 24, dans l'ordre du tartil. Puis le Hajj, sourate 22, dans l'ordre du tartil. Puis le Munafiqun, sourate sur les hypocrites. Puis le Mujadala. Puis le Hujurat. Puis le Tahrim, Hujurat, les appartements. Puis le Tahrim. Tahrim, l'interdiction, sourate 66. Puis le Jumu'ah, 62, le vendredi. Puis le Taghabun, 64, dans le classement du tartil. Puis, Sabbah al-Hawariyin, ça c'est ce qu'il dit dans le texte. Sabbah al-Hawariyin veut dire Surat Saf. Hein? Lui, il l'a appelé Sabbah al-Hawariyin parce qu'il commence par Sabbah lillahi ma fi samawati wa ma fi l'ard. Tout ce qui est dans les cieux et dans la terre glorifie la transcendance d'Allah. On commence par ça. Et il appelle Hawariyin parce que on trouve à l'intérieur de la Surat la mention des apôtres. Hawariyin de Isa. Les apôtres de عيسى عليه السلام دو جيزو يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم من أنصاري إلى الله دو جيزو فيس دو مريم دي كيس سون سو كي فون كي كي كي مو سوتيان بور ديفوندر لا كوز دالله اي بوي لا دي ثم الفتح سورة الفتح 48 دون لوردر دو ترتيل لوردر كو زافي دون لو كوران كو ليزي بوي توبة لو ريبونتير سورة 9 Et puis, ثم خاتمة القرآن, il dit la conclusion du Coran, c'est-à-dire les deux sourates prophylactiques, les deux sourates protectrices, قل أعوذ برب الفلق, قل أعوذ برب الناس. Les 86 sourates qui restent sont mécoises. Il a cité ici que 20. Comme j'ai dit, il y a divergence entre les savants sur certaines sourates. J'ai dit aussi que la distinction entre le mécois et le médinois se fonde sur la tradition orale, sur la riwaya. Les propos des compagnons et des tabi'in, n'est-ce pas? Mais si les savants ne disposent pas de textes ou de textes authentiques, ils recourent aux caractéristiques de la révélation. Ils recourent aux caractéristiques des révélations mécoises et des révélations mécoises. Chacune a ses propres caractéristiques. Ils voient le style, le thème, le discours, à qui il est t'adresser. Bon, Inch'Allah, nous allons arrêter ici. Nous allons poursuivre la prochaine fois. Nous allons continuer le Coran, la révélation mécoise et les révélations médinoises. Nous allons, Inch'Allah, pour le terminer. Subhanakallahum bihamdik, shadu la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.